130 livres, chronique du 23 février 2022, notre part de nuit de Mariana Henriques. Les fantômes sont réels et ce ne sont pas toujours ceux qu'on appelle qui viennent. 1981, veuve de Rosario, Juan est un géant blond à la beauté irréelle, son fils de 6 ans Gaspar, un môme très dégourdi. Cardiaque, Juan faiblit lorsqu'il utilise ses pouvoirs de médium. Il peut ainsi invoquer une force occulte appelée Obscurité, influencer les humains, contacter les morts ou faire disparaître leurs spectres errants. Le sexe régénère son énergie vitale. Son fils semble avoir hérité de ses dons. Or, les médiums sont exploités par l'Ordre, une organisation occulte dirigée par la riche famille de Rosario qui aspire à obtenir la vie éternelle. Juan refuse que Gaspar leur soit soumis. Il consent à participer à un ultime cérémonial où l'obscurité qu'il invoque dévore les chairs de victimes sacrificielles et d'initiés de l'ordre, puis prend la fuite avec son fils. Par la suite, on suivra tantôt Juan, tantôt Gaspar, du Buenos Aires de la dictature militaire à celui du retour de la démocratie, en passant par un flashback dans le Swinging London des 70s. La famille que forment désormais le père et le fils échappera-t-elle au noir dessein de l'ordre tout-puissant ? La phrase nerveuse et sans affaîtrie de Mariana Henriques permet une plongée directe dans l'action. Elle se fait volontiers et sensuelle, jusque dans les nombreux moments où des corps sont déchirés ou meurtris. L'autrice parvient à combiner ce style personnel avec quantité de références qu'elle reconnaît volontiers. Les nombreuses allusions au poème de Keats évoquent Hyperion de Dan Simmons. On revit le « ça » de Stephen King quand Gaspar et ses copains s'introduisent dans une maison hantée, et sa relation à son père en milieu hostile rappelle immanquablement « La route » de Cormac McCarthy. Ce dernier aspect constitue une franche réussite de « Notre part de nuit ». Les deux points de vue donnent à entendre une douloureuse incommunicabilité des sentiments. Gaspar peinant à comprendre l'alternance de moments complices et de colères inexpliquées qui jalonnent sa vie auprès de Juan. Au fil de son initiation de médium, le lecteur se rappelle avec lui combien grandir revient souvent à apprendre trop tôt ou trop tard l'usage de pouvoir qui effraie. Extrait. Le trajet fut court jusqu'à la Costanera Sur, magnifique de nuit, avec une odeur de pluie et de terre, le fleuve sombre et silencieux derrière les grands murs en pierre. La ville paraissait être si loin du fleuve, c'était étrange. Un fleuve sans rive qui venait frapper contre les murs, aussi grand qu'une mer, marron le jour mais argenté la nuit. La réserve écologique de Costanera Sur, avec ses monuments et lampions, ses gloriettes, ses stands de marchands ambulants fermés, était complètement déserte. Il était 3 heures du matin à Buenos Aires. Marcher sur l'herbe, toucher les feuilles des arbres du bout des doigts. Peu de lumière à part la lune. Les 3/4 de l'univers sont noirs, avait dit son père. Gaspar comprenait, l'univers c'était la nuit. Mais toutes les nuits n'étaient pas comme celle-ci, fraîches et belles. Le chauffeur dans la voiture écoutait la radio, un tango triste comme tous les tangos. Marcher jusqu'au garde-fou, non jusqu'à la rive puisqu'il n'y avait pas de rive, on ne pouvait pas toucher l'eau. Gaspar se souvenait des fleuves de son enfance et, cette nuit, il ressentit le désir de nager. Dans l'obscurité, on ne distinguait pas bien le sang sur le t-shirt de son père. Quand ils arrivèrent près du fleuve, une douce brise agita les cheveux de Gaspar. Juan lui donna l'urne contenant les cendres de sa mère. Elle était petite, comme une boîte à bijoux, la taille d'un carnet. Voilà ce qui restait de sa mère depuis des années. Gaspar se souvenait de sa chaleur, à présent si lointaine. À présent terre, cendre, froide comme la pierre des murs. « Pas ici, » dit soudain son père. « Allons dans la réserve. Tu as peur ?»« Non, » dit Gaspar. Il pouvait avoir peur de son père, mais jamais avec lui. Bien qu'il le sût malade, Juan lui paraissait invincible et dangereux. Parfois, les animaux blessés étaient comme ça, beaucoup plus forts qu'en bonne santé. La nuit s'était fermée par de hautes grilles, croyait se rappeler Gaspar. « On va voir ça, entre mon fils, entre si tu peux, » lui dit son père quand ils arrivèrent devant les grilles. Troublé, Gaspar lui rendit l'urne où se trouvait sa mère et tenta d'ouvrir la grille. Alors il s'aperçut qu'il n'avait pas besoin de clé, qu'il pouvait simplement l'ouvrir s'il le voulait, même s'il ne comprenait pas comment c'était possible. Il toucha la grille qui s'ouvrit, après qu'il eût pensé en effet qu'il pouvait le faire, et son père le suivit sans rien dire, comme si c'était parfaitement normal. De l'autre côté, parmi de hautes herbes et sur un chemin boueux, avec des flaques brillantes comme des miroirs sous la lune, Juan s'accroupit pour le regarder dans les yeux. Il prit son visage entre ses mains et lui caressa les cheveux. L'urne était posée par terre, entre eux. « Tu possèdes quelque chose à moi, » dit-il. « Je t'ai laissé quelque chose. J'espère que ce n'est pas maudit. » J'ignore si je peux te donner quelque chose qui ne soit pas souillé, qui ne soit pas obscur, notre part de nuit. Ça me plaît, dit Gaspar. Et son père lui répondit, bien sûr, maintenant plus rien ne peut te faire de mal. Rien ? Rien. L'arrière-plan historique, en particulier le parallèle entre l'ordre et le non moins sanguinaire régime du général Videla, est ici très bien rendu. L'idée d'un temple où les familles des victimes de la dictature reçoivent une aide surnaturelle pour renouer avec elles frappe par sa poésie. L'instabilité économique et politique qui succède à cette dictature se ressent dans quantité de détails. Elle est aggravée par les premiers ravages du sida. Clou du passage à cette époque, l'exploration horrifique d'un cinéma porno devenu lieu de rencontres gays ne s'oubliera pas facilement. Ceux qui se rappellent les années 80 savoureront les souvenirs diversement plaisants vécus en mondovision de la victoire de l'Argentine de Maradona en Coupe du Monde et du martyr d'Omaïra, jeune colombienne piégée dans les décombres de l'éruption d'un volcan. Et quiconque apprécie David Bowie se réjouira de découvrir un personnage qui lui ressemble beaucoup. On pourra trouver quelques faiblesses à un bouquin aussi monumental, dont un rythme inégal au fil de ses 768 pages. J'ajouterai une légère déception très personnelle en ce qui concerne le dénouement un peu poussif, même si l'on pourra toujours envisager cette fin plus ou moins réussie comme un ultime hommage à Stephen King. Reste que Notre part de nuit offre le meilleur d'une littérature dite de genre, c'est-à-dire de la littérature tout court, et que le magnifique objet qu'est sa version française honorera n'importe quelle bibliothèque. Ce deuxième livre de Mariana Enríquez a tout pour devenir culte. Il mérite toutefois un rien passé sous les radars de septembre dernier, que l'on s'attaque d'ores et déjà à sa lecture roborative et vénéneuse à souhait.